RIFA, je suis ce MC qui remet ta montre à l'heure. Celui qui rentre dans la cabine pour s'évader par les haut-parleurs. Celui qui tient l'inspi en laisse pour ne pas qu'elle s'échappe. Celui qui s'applique à chaque ligne et comme ton rêve du jackpot. L'approche, la fourouille, le flow, les faces, tout est fourni. Mais dans ce rap, je me sens comme un tigre au milieu des fourmis. Pourtant, je suis pas une bête de zoo, je changerai pas comme B2O. Attends d'ici 9 mois et tu verras le rap perdre les os. Y'a des trucs, je capte pas, des fois j'en perds le réseau. Mais tu peux rien y faire, ouais, comme quand ton père a raison. En attendant, je fais ça bien et je veux que mon père a raison. Je me vois te représenter. Ma zone, même sur un morceau fait maison. Hey, le rap c'est ma victime, c'est moi qui ris qui martyrise. Genre l'artillerie, je vais pas les sonderies qui Martin. Fils, profite du bon temps, mais attends-toi à ce qu'il pleuve. Car la plupart repartent en boitant et y'a pas que Solar qui pleure. C'est pas que tenir un mic, c'est aussi porter ses couilles. Savoir placer les coups, plaît pour que les prods s'écroulent. Faire ça avec le cœur, en évitant de trop l'avoir sur la main. Car de nos jours, les vrais amis se comptent plus que sur une seule montre. Poids sur les épaules, dans le rap, viens pour vider mon sac. Remballe ton cran d'arrêt, je sais pas de détails, j'ai aiguisé mon sable. J'ai trop d'avance, tu voulais ma place, mais tu te pointes tard. Je suis prêt à tout pour marquer, quitte à tirer du pointard. Aucune défaite, dans mes cages, j'ai des toiles d'araignée. Déroule le tapis rouge, car c'est sur un trône que je me vois régner. Marre de la rue et de ses galères, tu vois que des gosses traîner. Y'a du bon comme du mauvais. Mais y'a surtout des grosses traînées. Pour ça moi je fais ma route avec les vrais, sans me soucier des autres. Dans mes poches c'est le désert et la vie sans sous c'est le désordre. Je fais les 3-8 sur ma feuille, le taf est fait, y'a pas de lézard. Je vais devoir plier à mes règles, un peu comme quand ta femme les a. Faudra penser à changer le fusil. T'as beau mettre la barre haute, mais ça se compare pas au sommet que je cible. Aujourd'hui, je suis en stud. À part là, tu veux que je me barre où? Si le rap était un gun, ça fait un bail que je serais sous les barreaux. On vend de la qualité pour faire du blé. Ça part comme du petit pain au B pour un plan A ou B. Mais les plans, c'est samedi pas. Je me contente de ce que j'ai. Sur mon compte, tu auras des pâquerettes. Ok, toi, tu roules en BM. Mais tu manges que des pâtes, mec. En parlant de ça, j'ai la dalle au mic. Et toi, t'espères croquer. Y'a Nyoma dans l'équipe. Attends-toi à te faire escroquer. T'inquiète, j'enchaîne les 16 comme un breaker et c'est pas de danse. Toi, t'as du temps à perdre. Mais quand tu rap, tu n'es pas dedans. Je boxe avec les mots comme arsenic, mais là je mets pas de gants. Mon CD c'est le calibre que je veux voir dans ta boîte à gants. Y'a des têtes à viser, je les raterai pas comme le Pentagone. Je suis ni mon 16, je sors un 12 et après ça je me pète un cône. Vas-y, fais fumer, poteau. Aïe, RIFA, frère. 89, efficacité. Dédicace à tous les frangins. Le rap, ça, Delka, Daps. Yoma, FLX, Kirikou, Zo, Merteuil, Mafax, tout le monde, Greg, celui l'arrache, les yes, tous ceux qui sont là, qui soutiennent.